بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 42 بعد 100، 42 حديث، عن أم عطية نصيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين، أن نخرج في العيدين العواتق ذوات الخدر، وأمر الحيد أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خضرها، وحتى نخرج الحيض فيكبرنا بتكبيرهم، ويدعونا بدعائهم، ويرجون بركة ذلك اليوم، وطهرته. نعم. Donc selon cette sahabiyat qui est Umm Atiyah Nusayba, elle a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire sortir le jour du Eid les femmes âgées ainsi que les jeunes filles encore qui n'ont pas encore atteint la puberté, qui ne sont pas mariées. Et il a ordonné aux femmes qui ont leur menstrue de s'éloigner du lieu de salat des muslimines. Et dans une version, il a dit, nous avons été ordonnés de sortir le jour du Eid, c'est-à-dire nous les femmes, et également de faire sortir la célibataire de sa chambre, c'est-à-dire les jeunes filles, comme on l'a expliqué, qui n'étaient pas encore pubères, ou qui n'étaient pas encore mariées, qui sont jeunes, de sortir de leur chambre, de leur pièce, qui leur est spécifique. Et également que sortent les femmes qui ont leur menstrue, afin qu'elles fassent le takbir avec le takbir des hommes, qu'elles invoquent avec l'invocation des hommes, et qu'elles espèrent la baraka de ce jour-là, et sa purification. Yaqul Fadilat al-Shi'a bin al-Usaymin rahimahullah ta'ala. Al-Rawi, rapporteur, c'est Umm Atiyah, Usayba, bint al-Harith al-Ansariya. Min kibar nisa al-Sahaba, parmi les grandes femmes des Sahaba. Rawat an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam iddat ahadith. وعزت معه سبع عزوات qu'elle a apporté beaucoup de hadiths du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle a participé à cette bataille. وكانت ممن يغسل النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موتهن وعنها اخذت كثيرا من احكام غسل الميت رضي الله عنهما. Et que justement elle est également parmi les femmes qui s'occupaient du lavage mortuaire des femmes à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est même elle qui a lavé la fille Zaynab du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc elle a pris beaucoup de règles en cela et qu'elle a beaucoup enseigné aux autres par la suite. Yaqul fi al-shaf al-ijmali. Tukhbiru Ma'tiya radhiyallahu anha anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam amara an yakhruj fi al-'id kullu nisa'i hatta min man la 'adata laha bil khuruj min al-'awatiq والأبكار والذوات الخضر. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam je rectifie dans un mot que j'ai mal traduit. J'ai dit les awatik, les femmes âgées, non, ce sont celles qui sont proche de la puberté, et non pas les femmes âgées. Les femmes qui sont jeunes, on va dire l'âge avant qu'elles atteignent la puberté. C'est ça donc, et non pas les femmes âgées. Je m'en excuse dans la traduction. Donc justement, Umm Atiyah informe que leur était ordonné de sortir pour le jour du Eid, toutes les femmes, même celles qui n'ont pas l'habitude de sortir, comme justement les jeunes filles, ainsi que les non mariés célibataires, qui à la base restent cloîtrés dans leur chambre. Et même celles qui ne font pas salat à la base et qui ne restent pas dans le masjid, comme les femmes qui ont leur menstrue. Mais qu'elles restent proches justement du musalla, afin d'être parmi le grand nombre de gens qui assistent à ce moment de joie, qui est le moment du Eid. Yuksirna al-mudhirun وليكثر مظهر شعائر الله وذكره وتكبيره ودعائه، أو لشعائر الله وذكره وتكبيره ودعائه، فتكون الرحمة إليهم أقرب والقبول لهم أحرى، ولتكون الرحمة والقبول أوسع وأشمل. Donc cela afin qu'elle puisse participer justement également au rappel, au takbirat, bien que la femme ne doive pas lever sa voix par le takbirat du fait que les hommes l'entendent, mais entre elles, elles peuvent faire le takbir et l'invocation, afin que la rahma puisse être plus proche d'elles également et que leur invocation soit plus à même d'être acceptée. Naam. Donc plus il y a de monde pour le Eid, et plus cela est correct et convenable. يقول من فوائد الحديث وسنمه الحديث مشروعيه خروج النساء لصلاه العيد بشرط ان يكون ذلك على وجه تؤمن به الفتنه بهن ومنهن من يخرجن متطيبات ولا متبرجات بزينه. Donc il est légiféré aux femmes de sortir pour le jour du Eid à condition que cela se fasse d'une façon qui évite les tentations par leur présence, c'est-à-dire qu'elles ne sortent pas en étant parfumées ni en étant embellies et ni en étant avec des vêtements qui laissent apparaître leur parure. D'accord ? Il n'y a rien d'autre qui doit apparaître. Et également, dans un hadith, c'est venu qu'elles ne doivent pas se mélanger aux hommes dans la route, sur la route qui mène justement au Eid. Ça veut dire que les femmes doivent prendre un côté, les hommes ont le milieu de la route, et les femmes ont les côtés de la route. Maintenant, si la femme marche avec son mahram, ça c'est autre chose. Mais sinon, si elles sont entre elles, que les femmes laissent le milieu de la route aux hommes. Ça veut dire, même dans le lieu de passage pour se rendre au Eid, l'irtilat, la mixité est interdite. ثانيا وجوب صلاة العيدين سورة حديث مطلوب لغاسمون لصلاة دو عيد. ثالثا مشروعية التكبير في مصلى العيد والجهر به كي لا يستمر لجفيري دفع التكبير dans le مصلى le jour du عيد et de le faire à haute voix. رابعا جواز التكبير والدعاء للحائض كي يبامي à la femme qui a ses menstrues de faire le takbir et d'invoquer également. خامسا من الحائض من المكس في المسجد كي n'est pas permis à la femme qui a ses menstrues de rester dans le masjid. Et ça c'est le masala qui a un khilaf, une divergence. D'accord ? D'autres ulama voient que la femme qui a sa menstrue peut également elle-même venir au masjid. Sadisan, anna musalla al-Eid law hukm al-masajid wa in lam yuhawwat, et que le musalla du Eid prend le même jugement que le masajid, même s'il n'est pas enfermé, qu'il n'est pas entouré de murs ou quoi. C'est un lieu qui est ouvert, découvert. Sabian, al-ihtimam bi kasrati al-hadirin li salat wa ad-du'a wa adh-dhikr al-mashru'in. Qu'il est important justement que beaucoup de gens assistent à cette salat du Eid, ainsi que la vocation et le rappel. Thaminan anna man aw min tariqati an-nisa as-sahaba tasattur al-abkar wa nahuhunna fi al-buyut wa adam khurujihunna. Et que justement il faisait partie de la voie des sahaba auparavant que la femme vierge et célibataire ne sorte pas de chez elle, qu'elle reste chez elle dans sa maison, à la base dans sa pièce, qui lui est propre. Et mais c'est pour cela que ce jour-là, il aurait été exceptionnellement permis de sortir. Car à la base, il ne sortait pas. Et cela réfute justement le mode de vie que nous avons actuellement, où aujourd'hui, les pères forcent leurs filles à sortir, à aller étudier, et en plus des études, dans la mixité au milieu des hommes. Chez les sahabas, ça n'existait pas, ça. Là, on parle des femmes qui ne sont pas mariées, qui sont encore jeunes. Aujourd'hui, ils disent, les études, c'est ce qui est le plus important. On dit non, ce n'est pas vrai. Ce qui est le plus important, c'est sa piété et sa religion. C'est le plus important. Pas qu'elle ait le bac, ni qu'elle ait un BTS, ni qu'elle ait je ne sais quel diplôme. Le plus important, c'est qu'elle se préserve dans sa religion. Et aujourd'hui, elles sont toutes à l'école, voire même des écoles, on leur interdit de porter le hijab, donc elles enlèvent le hijab. Tout le contraire de ce à quoi appelle l'islam, en réalité. Et cela est une erreur, une grande erreur. Une grande erreur, une grande faute de notre part, et surtout de la part des awliya, de leurs pères, et de ceux qui ont autorité sur elles, qui les forcent à agir de la sorte. Et cela est une parmi les conséquences du fait de vivre chez les koufars. En pays d'islam, alhamdoulilah, dans beaucoup de pays, l'école n'est pas obligatoire pour les femmes. Et le fait de les priver d'études, ce n'est pas un châtiment pour elles. Car comme l'a dit le cheikh Ahmed Shakir, il a dit qu'il est meilleur pour une femme qui reste chez elle, plutôt qu'elle sorte pour aller apprendre, et en plus dans des conditions qui ne sont pas légiférées. Car ce qu'elle va apprendre à l'école, c'est quoi ? C'est pas le djinn qu'elle va apprendre à l'école. Elle va apprendre la dunya. Et cette dunya-là, n'est pas une chose qui est primordiale. Le jour où elle se mariera, Inch'Allah, son mari s'occupera d'elle. elle sera là pour s'occuper du foyer. Maintenant, il est permis à une femme, qu'elle soit médecin pour les femmes, dentiste pour les femmes ou autre. Mais cela se fait comment ? Dans des conditions légiférées. Et cela peut même la prendre par la suite. Une fois qu'elle est mariée, qu'elle a un mahram et tout ce qui s'ensuit, elle peut sortir pour aller apprendre, faire une formation. Mais quand elle est jeune, là-bas, c'est qu'elle reste chez elle. Car elle a une tentation pour les autres. Et elle est faible. Et elle-même est faible face aux hommes. هذا الذي خلنا اليوم من هذا الحديث والحمد لله رب العالمين